Futur simple sur les ondes de CKRL au 89.1. Et dans cette deuxième partie d'émission, nous accueillons pour une toute première fois une nouvelle voix à l'émission Futur simple, celle de Camille Lefebvre. Bonjour Camille. Bonjour Marie-Claude. Camille, peut-être que pour les auditeurs qui aimeraient peut-être un peu faire ta connaissance, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Comme tu l'as dit précédemment, je me nomme Camille Villefebvre. Je suis originaire d'Abitibi, de Malartic. J'ai tout juste terminé ma maîtrise en sciences géographiques ici à l'Université Laval. Je travaille en ce moment comme professionnelle de recherche et mes loisirs se résument à la musique. J'aime beaucoup voir des spectacles et j'aime également faire des activités de plein air. D'ailleurs, ma passion, c'est la plongée sous-marine et j'ai surtout la chance de pouvoir en faire ici au Québec. Et donc, pour ta première chronique, tu ne nous parleras pas de ta passion. Tu as choisi plutôt de nous parler d'une théorie, si on peut, le déficit nature. Oui, effectivement, on peut dire que c'est l'une des préoccupations émergentes de notre nouvelle ère, soit l'ère numérique, qui d'ailleurs est de plus en plus urbaine. Cette préoccupation, c'est celle de la coupure que nous entretenons avec la nature. On peut penser ici aux nombreuses critiques contre l'omniprésence des écrans, tels que les tablettes, les cellulaires, les ordinateurs, par exemple. Il est également possible de constater des mesures d'aménagement afin de contrer en partie cette coupure avec la nature grâce à l'introduction de verdure, d'arbres, de parcs urbains, etc. dans les villes. Un exemple près de nous pour les gens de Québec qui usent bien ce type de mesures, c'est celui de l'aménagement de la promenade Samuel de Champlain située le long du boulevard du même nom qui longe le fleuve Saint-Laurent et qui permet de pratiquer plusieurs activités de plein air, telles que le vélo et la course à pied, par exemple. Il est important de souligner que cette préoccupation, qui est la coupure avec la nature, est en partie en lien avec l'urbanisation de nos sociétés. Cette préoccupation-là, elle est fondée, et elle est principalement émergée depuis la sortie du livre de Richard Louv, paru en 2005, qui s'intitule « The Last Child in the Woods » des éditions Algonquin Books. Il propose, à l'intérieur de ce livre, une nouvelle théorie qui tente d'expliquer certains mots de notre société urbaine, surtout ceux présents auprès des jeunes, auprès des enfants. Alors, depuis la sortie de ce livre, plusieurs échos se font entendre dans le domaine et on observe réellement une vague de popularité, je dirais même un chamboulement là, dans la façon d'aborder le sujet. Mais quelle est la théorie que propose justement M. Louv dans son livre? C'est une théorie qui est fondée sur plusieurs années d'observation et d'études sur le terrain et également théorique, qui s'intitule le « Nature Deficit Disorder » ou en français, qui s'était traduit comme le déficit nature ou encore le syndrome de manque de nature. Les deux termes sont acceptés dans la littérature. Le déficit nature, moi, c'est le terme que je vais employer pour la chronique aujourd'hui. Excusez-moi. Le déficit nature, il se définit comme suit. Soit en passant plus de temps à l'intérieur ou loin de la nature, l'humanité s'expose à de nombreux problèmes physiques et mentaux. De nos jours, cette problématique concerne surtout les pays les plus industrialisés et notamment les enfants. C'est-à-dire que, selon cette théorie, plusieurs maladies et maux de notre société découleraient d'un manque direct de contact avec la nature. Et là, tu parles de mots comme syndrome et de déficit. Ces termes font des références au domaine médical. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on peut parler que c'est une forme de maladie en elle-même? Pas tout à fait. Et je m'explique. Tout d'abord, les termes syndrome et déficit ne relèvent pas du tout du domaine médical, comme le sous-entend le problème. Mais ce sont des références linguistiques voulant apporter une réflexion profonde sur la situation actuelle selon l'auteur de la théorie. Ici, il faut comprendre qu'en se présentant aux urgences ou encore en allant consulter notre médecin de famille, on ne sortira jamais avec un diagnostic selon lequel on souffre d'un déficit nature. Rien d'officiel. Rien d'officiel. Toutefois, de l'autre côté du spectre, on retrouve plusieurs chercheurs provenant d'une myriade de domaines de recherche tels que la médecine familiale, la pédopsychologie, l'aménagement urbain, la géographie humaine et la médecine sportive, par exemple, qui étudient sérieusement le sujet. L'une de ces chercheurs, le docteur Melissa Lem, qui est médecin de famille, membre du corps professoral au département de médecine familiale et communautaire de l'Université de Toronto, et également membre de l'Association canadienne des physiciens environnementalistes, affirme que de passer du temps dans la nature, c'est essentiel au bon développement de l'enfant, sur le plan psychologique autant que sur le plan physique. Certains chercheurs affirment même qu'une dose quotidienne de nature pourrait prévenir et traiter de nombreux troubles médicaux. Et donc, les conséquences médicales importantes, alors comment se fait-il que les recherches qui portent sur le déficit nature n'apparaissent que seulement au début des années 2000 et pas avant? C'est une excellente question, Marie-Claude. Je vais te donner quelques chiffres afin de bien nous situer dans le contexte. Tout d'abord, selon la Banque mondiale, à l'échelle de la planète, nous sommes passés en 1960 de 33,6% de la population vivant en milieu urbain à 42,9% en 90 et à plus de la moitié de la population mondiale en 2015, soit 53,9%. C'est vraiment une première depuis l'histoire de l'humanité. Il est alors difficile de connaître les impacts de cette urbanisation rapide sur nos sociétés qui touche principalement les pays les plus industrialisés dont font partie le Canada et le Québec. D'ailleurs, il y a plusieurs chiffres qui démontrent que les enfants d'aujourd'hui passent beaucoup moins de temps en nature que leurs parents et encore plus de leurs grands-parents. Ces facteurs récents font, entre autres, en sorte que la situation n'avait jamais été présente auparavant, et c'est ce qui explique l'émergence des discussions scientifiques sur le sujet qu'au début des années 2000 environ. Et plus précisément, quelles sont les conséquences qu'on peut retrouver du déficit nature? Est-ce qu'on peut les quantifier même? Les recherches sur le sujet sont considérées en balbutiement, mais quelques tendances semblent se dessiner à l'horizon. Dans un premier temps, les principales conséquences du déficit nature s'avèrent d'ordre psychologique. On parle ici du stress, de l'anxiété, des troubles de concentration, de gestion personnelle, de TDAH et même de dépression. Il est toutefois difficile de quantifier le degré selon lequel les gens peuvent en être affectés. Imaginez toutes les variables que les chercheurs doivent isoler afin de trouver la façon selon laquelle la nature interagit avec nous. Est-ce que c'est la qualité de celle-ci, la quantité, la fréquence de nos visites ou la durée de ceux-ci? Est-ce que c'est pour tout autre facteur ou encore c'est pour toutes ces raisons? C'est vraiment difficile à déterminer. Il est également ardu de prescrire une dose de nature oui. pour y remédier. Puisque ces troubles de la santé mentale sont complexes et résultent souvent d'une interaction entre divers facteurs et rarement d'un seul. Le déficit nature ne serait alors pas la seule cause à ces maux, mais une théorie qui exprime en partie le pourquoi de ce qui se déroule en ce moment. De plus, d'autres conséquences seraient possiblement d'ordre physique, c'est-à-dire sur la qualité de notre sommeil, sur l'asthme, sur la longévité, le niveau d'activité physique et même sur notre capacité à recouvrir d'une maladie. Encore là, il demeure extrêmement difficile de définir quel rôle précis joue la nature dans tout cela. Néanmoins, les chercheurs semblent être en accord sur un point. Le détachement de notre société avec l'environnement naturel nous affecte sur le plan physique et psychologique. Seulement, on ne sait pas comment ni à quel point. Et à l'avenir, à quoi on peut s'attendre sur les conséquences du déficit nature? Eh bien, si on se fie à la tendance actuelle et que rien ne change du tout, on peut s'attendre à un déficit nature de plus en plus présent auprès de la population et à un détachement, voire une séparation totale entre notre mode de vie et le contact avec la nature. Malgré ce portrait sombre que je dépeins, personnellement, je reste plutôt positive puisqu'on observe aussi, à l'envers de la médaille, une tendance grandissante en tourisme de nature, en écotourisme et même dans la pratique d'activités de plein air. Donc, il y a un certain intérêt à garder contact avec la nature. Je crois aussi que la cloche d'alarme qu'a sonné Richard Louv dans son livre a permis à plusieurs de se concentrer sur le sujet et on sent une certaine urgence d'agir. À ce titre, en aménagement, on observe à certains endroits une réintégration de milieux naturels en milieu urbain, comme le réaménagement de la rivière Saint-Charles, par exemple, ici à Québec. De plus, certains programmes axés auprès des jeunes existent, soit des programmes pour les amener à reprendre contact ou même à prendre contact avec la nature, tels que des garderies en forêt qu'on peut observer en Norvège et en Suisse, par exemple. En fait, tout ce que cela donne comme message pour les petits et pour les grands, c'est « allons jouer dehors ». Oui, allons jouer dehors et peut-être de préférence dans la nature en plus. Merci beaucoup, Camille, pour cette première chronique. On fait une pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, je vous révèle comment les archéologues font parler les vestiges.